Faites 26, activation orale, interrogation et inversion. Transformez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Est-ce que Robert parle français? Et vous dites. Robert parle-t-il français? Allons-y. 2. Est-ce qu'il parle beaucoup? 3. Est-ce qu'il pèse 80 kilos? Pèse-t-il 80 kilos? 4. Est-ce qu'il a les cheveux noirs? A-t-il les cheveux noirs? 5. Est-ce qu'il a l'esprit vif? A-t-il l'esprit vif? 6. Est-ce qu'il a l'esprit aussi vif que Mireille? A-t-il l'esprit aussi vif que Mireille? 7. Est-ce que Mireille a les cheveux blonds? Mireille a-t-elle les cheveux blonds? 8. Est-ce que Robert préfère les blondes? Robert préfère-t-il les blondes?